France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous, bienvenue en direct au studio 106 de France Musique. Il a reçu il y a quelques jours le Molière de la meilleure comédie musicale avec Les fiancés de Loche qui avait triomphé à Paris au théâtre du Palais Royal et ensuite était parti en tournée quasiment partout en France. Il était nommé d'ailleurs une seconde fois au Molière cette saison, c'est rare, avec un autre spectacle musical sur la vie de Kiki de Montparnasse. Alors il est connu comme le loup blanc dans le monde, le petit monde de la comédie musicale. On dit que tout le monde a joué au moins une fois dans son premier succès du genre qui s'intitulait Chance, créé en 2001 et qui s'est joué plus de 1000 fois. Alors autant de raisons, à deux jours de la fête de la musique, de faire la fête à l'un des auteurs, compositeurs de comédies musicales les plus prolifiques, homme à tout faire, je dois dire, compositeur, parolier, metteur en scène, chanteur, réalisateur de films. Il s'appelle Hervé De Volder. Ce matin, nous lui donnons carte blanche. Il démarre avec un casou entre les mains, là, entouré de 16 artistes qui sont venus ce matin. Et pour débuter, eh bien, une bourrée qui détonne dans cette comédie musicale qui s'intitule Les fiancés de Loche. Alors, Les fiancés de Loche, c'est l'histoire de bourgeois bretons montés à la capitale pour trouver des bons partis, pour se marier, et qui confondent agence matrimoniale et bureau de placement qui va les engager comme domestiques sans qu'ils comprennent très bien leur erreur. Les voici en tout cas, ces bretons. À leur arrivée à Paris, Christine Bonnard, Adrien Biri Vicente et Franck Vincent. Pour qu'ils vivent Paris ou sans un écroche, on se marie. Pour trouver femme et mari de Loche, on est parti. Hey! Gué, ok, vive Paris, la noce s'approche et la mairie. Gué, ok, c'est à Paris qu'on pioche les bons partis. À peine arrivés, nous voici dans cette agence, la plus cotée qui soit à Paris. On peut y trouver un cœur à sa convenance, sur le dépliant c'est écrit. À peine arrivés, nous voici dans cette agence, la plus cotée qui soit à Paris. On peut y trouver un cœur à sa convenance, sur le dépliant c'est écrit. Hey, hey, vive Paris, nous sommes à l'écroche, on se marie. Pour trouver femme et mari, de Loche on est parti. Les hommes sont trop timides, ils n'osent pas, ils sont timeurs. À Paris, je crois, m'a dans le cœur intrépide, qui osera se déclarer. À la chemin, fois, les hommes sont trop timides, ils n'osent pas, ils sont timorés. À Paris, je crois, m'a dans le cœur intrépide, qui osera se déclarer. Guerre, guerre, vive Paris, la noce s'approche et la mairie. Guerre, guerre, c'est à Paris qu'on pioche les bons partis. Quant à moi qui suis toujours la proie des migraines, le célibat ne me convient pas, car je crois mardi qu'une femme est souveraine pour soulager ces bobos-là. Quant à moi qui suis toujours la proie des migraines, le célibat ne me convient pas, car je crois mardi qu'une femme est souveraine pour soulager ces bobos-là. C'est à Paris qu'on pioche les bons partis. Un premier extrait des Fiancés de Loche, Molière, de la meilleure comédie musicale en 2016. Une pièce de Georges Feydeau, adaptée en comédie musicale par Hervé De Volder pour les musiques et Jacques Mougenot pour le livret et les paroles. Un spectacle qui démarre, en fait, si vous allez vous le voir, dans la file d'attente d'une agence de placement. On peut dire que c'est une parodie de la queue interminable lorsqu'on va à Pôle emploi, avec des chômeurs un tout petit peu exaspéré. Est-ce que ça va durer longtemps? Ça fait plus d'une heure qu'on attend. J'ai jamais attendu autant. C'est ce monsieur qui prend son temps. Il serait temps qu'il fiche le camp. Quand on prend la file d'attente, il faut s'attendre à ce que l'attente soit importante. Ça fait plus d'une heure qu'on attend. J'en veux plus, on est à quand? Et ce monsieur qui prend son temps. Il serait temps qu'il fiche le camp. Quand l'attente est importante, la file d'attente aussi attendre et mécontente. Nous sommes des chômeurs privés d'emploi. Ça va de soi. En quête d'un labeur. Bien payé. Notre loyer. On cherche un employeur qui nous comprenne et nous convienne et qui nous donne à cette heure tout notre sou. Dessous. Qui perd sa place va à la chasse. C'est bien connu. Et c'est pourquoi chaque matin on se déplace dans cette agence pour l'emploi. Chacun dans la queue prend sa place, car devant l'agent on ne passe qu'à à la fois. Ça se conçoit et ça se bat de commentaires. Oui, mais après que ce gars fiche le camp. Quand on prend la file d'attente, il faut s'attendre à ce que l'attente soit importante. Ça fait plus d'une heure qu'on attend. Plus on est à cran. Et ce monsieur qui prend son temps, il serait temps qu'il fiche le camp. Quand l'attente est importante, la file d'attente aussi attendre est mécontente. Quel est votre métier? Si je suis là, c'est que j'en ai pas. Bon, ça c'est pas gagné. Mais il me faut vite un boulot si je veux éviter de me retrouver sur le pavé. Je m'en serais douté et je suis là pour ça. Dites-moi, que voulez-vous faire? J'aimerais m'occuper d'animaux. Je crois bien que j'aurai votre affaire. Je vais vous placer dans un zoo. Dans un zoo, ça va me plaire. Et qu'est-ce que j'aurai à y faire? Rien du tout si ce n'est de peigner la girafe. Ça je sais faire. Parfait. Faudrait que ce gars fiche le camp. Je vais pouvoir avancer d'un cran. Ça sera mon tour dans un instant. Il était temps qu'il fiche le camp. Quand un cran, la file avance. On est content pour un instant, puis ça recommence. Désolé, c'est fermé, il est midi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la pause déjeuner, je suis désolé, je dois fermer. Mais je devais passer. Je ne reçois pas pendant le repas, y'a pas à discuter. Revenez plus tôt, plus tard. Mais ça fait 2 heures qu'on attend. On ferme, c'est le règlement, je dois manger pour travailler. Pour manger, on doit travailler. Revenez me voir dans 1 heure. Ah ben celle-là, c'est la meilleure. Quoique chômeur, on est encore mis à la porte, c'est un peu fort. Que oh, mon déjeuner va refroidir. Dire qu'on fait 2 heures d'attente pour se voir congédier si tôt midi pétante. T'aurais pas lu nous avertir. C'était pas la peine de venir. Maintenant on n'a plus qu'à partir. Son déjeuner va refroidir. Dire qu'après 2 heures d'attente, il faut attendre encore le temps qu'il se suspende. On n'a pas l'emploi qu'on attend. C'est certain, mais en attendant, on a au moins l'emploi du temps. Au piano, Thierry Boulanger, à la contrebasse, Louis Dunoyer de Ségonzac, et puis les chanteurs, Franck Vincent, Fabrice Farah, Clara S., Adrien Birivicente, Christine Bonnard, Marianne DeVos, Claudine Vincent, et vous, Hervé De Volder, bonjour. Oui, parce que le bonjour à tout le monde. Y a un garçon qui chante ça normalement, je ne m'approprie pas tous les postes, mais il ne pouvait vraiment pas être là aujourd'hui, donc j'ai remplacé, voilà. Alors vous avez fait... c'est une comédie musicale où vous n'avez été, si j'ose dire, que compositeur, c'est rare. Général... Metteur en scène. Ah, et metteur en scène, bien oui. Sûr. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'abord d'être nommé... Molière de la meilleure comédie musicale. C'est très chouette parce que c'est une vraie aventure de groupe, d'équipe. Ce spectacle ne serait pas ce qu'il est et n'aurait pas eu le succès qu'il a sans des décors exceptionnels. Je dis pas tous les noms de tout le monde, mais des décors, des costumes, des coiffures, des lumières, etc. Et puis tous ces interprètes merveilleux. Donc c'est une vraie récompense pour l'équipe. Et puis surtout, c'est un couronnement. Oh bah non, bah il y a encore des trucs à faire. Couronnement, ça voudrait dire qu'il y a rien après, non? Oui, mais votre première comédie musicale il y a 15 ans, chance. Oui, on est très très très content. Ça fait partie du parcours, si je puis dire, quoi. Mais ça d'un seul coup, ça met un petit coup de projecteur sur un travail en particulier d'une équipe. Et puis du théâtre du Palais Royal qui a pris le risque de monter ce spectacle ambitieux sans vedette, qu'avec du talent. Et avec des musiciens. Et avec des musiciens, en vrai, ce qui est très rare. Ouais, ils sont là ce matin, en direct, Marianne DeVos, Louis Dunoyer de Segonzac, Thierry Boulanger. Et vous tournez en France avec des musiciens, ce qui est rare pour une comédie musicale. Oui, c'est complètement fou. Il y a une vingtaine de personnes, plaît-il. Qui est des musiciens en live. Eh bien, c'est le théâtre. Quand on en était à discuter pour faire ce spectacle, nous avions fait un showcase avec un piano. Et le directeur me dit, voilà, on est au Palais Royal, quand même, on peut juste mettre un piano. Alors je le regarde avec des grands yeux, je lui dis, mais il n'y a jamais un directeur de théâtre qui dit ça. Bien, une petite formation quand même. Bon, combien minimum? Trois. Oh, pas de problème. Donc trois, puis après tout le monde joue un petit peu aussi, donc on est cinq ou six à faire de la musique. Alors comment on transforme une pièce de Georges Feydeau en spectacle musical chanté? C'est une pièce de jeunesse de Feydeau. Qui présente la particularité qu'elle est un petit peu folle, comme on peut l'être quand on est plus jeune. C'est très irrévérencieux. Le premier acte se passe dans un bureau de Pôle emploi de l'époque, et le dernier acte dans un asile d'aliénés où on fout les gens dans des baignoires d'eau glacée malgré eux. Donc il y a vraiment une vraie folie dans cette pièce. Ensuite, Jacques Mougenot a su l'adapter d'une part, c'est-à-dire enlever ce qui était un petit peu en trop par rapport à notre culture d'aujourd'hui, et puis écrire ces délicieux couplets qui font que la folie et la fantaisie se prolongent à travers des chansons. Où est-ce qu'on fait chanter les personnages dans une pièce de Georges Feydeau alors? Tout le temps, il y a toujours une exclamation, il y a toujours un truc. Alors quand on écrivait, alors là je vous fais des confidences, quand on en était à écrire la pièce, alors il y a des évidences d'un seul coup, bon, l'arrivée des Lochois évidemment. Et c'est pas des Bretons, c'est des Tourangeaux les Lochois. Ah d'accord, excusez-moi. Pardon. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Voilà. Et donc quand cela arrive, bien sûr qu'ils vont chanter leur musique traditionnelle. Et puis on avait un moment, on disait quand même, il y a un moment que ça n'a pas chanté dans la pièce. Et puis dans les didascalies originales de Feydeau, il y a écrit « Elle s'évanouit ». Et c'est devenu « Zut, elle est tombée dans les pommes où c'est tout ». On va pas vous la chanter aujourd'hui, donc vous n'en aurez que cet extrait. Voilà, donc il y a des petits bouts comme ça qui d'un seul coup sont des évidences quand on a ce sens-là et cette envie de fourrer de la musique partout. Alors on continue d'explorer les fiancés de Loche en musique. Molière 2016 du meilleur spectacle musical par exemple, Cet air de Michette. Pourquoi on le met en musique? Il intervient comment dans la pièce de Feydeau? C'est le personnage, c'est la cocotte. Alors, encore une fois, c'est une pièce de jeunesse de Feydeau et on retrouve déjà, enfin, on trouve déjà tous les personnages qu'on trouvera ensuite dans l'œuvre de Feydeau. Et c'est la môme crevette, en fait. C'est la môme crevette avant l'heure. C'est-à-dire que c'est la cocotte, c'est la petite amie du personnage central et celle qui fout un peu le bazar dans le scénario parce qu'elle arrive à des moments où on l'attend vraiment pas. Et là, elle arrive au bureau de placement. C'est Séraphin qui la reçoit. Séraphin est interprété par Fabrice Farah. Et donc, en fait, son vrai nom, c'est Caroline, hein, je crois. Mais elle se fait appeler donc Michette, est interprétée ce matin par Milena Marinelli, en direct du studio 106 sur France Musique. Vous vous appelez Caroline? Plus maintenant. Plus maintenant? Mais pourquoi? Ben voilà. J'ai grandi chez les Ursulines, car je suis une pauvre orpheline. Je n'ai qu'un frère qui, on le devine, n'a qu'une sœur, c'est moi, Caroline. Mais dans le métier que je fais, Caroline, c'est un nom qui déplaît, j'imagine. Je sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Et du coup, c'est pourquoi désormais. Désormais. Désormais. Désormais. Désormais. Désormais. Désormais. Désormais. On m'appelle Michette, Michette, Michette. Bien plus que Caroline, Michette, ça en jette. Michette, Michette, Michette, Michette. Appelez-moi Michette, M-I-C-H-E-T-E. Michette, Michette, Michette, Michette. Michette la cocotte, Michette la coquette. Michette, Michette, Michette, Michette. Oui, Michette, Michette, ça en jette. Michette, mais mon frère. Mais votre frère. Mais mon frère. Mais votre frère. Mais mon frère, ça me chagrine. Comprend rien aux mœurs citadines. Et devant le monde, il s'obstine à toujours m'appeler Caroline. C'est pas parce que je suis sa frangine qu'il peut s'affranchir de la discipline. Il doit comprendre que désormais, ça n'est plus Caroline. Et que c'est. Ah bah oui, que c'est. Et que c'est. Bah que c'est. Et bah que c'est. Et bah que c'est. Et bah que c'est. Et bah que c'est. Michette, Michette, Michette, Michette. Bien plus que Caroline, Michette, ça en jette. Michette, Michette, Michette, Michette. Appelez-moi Michette, M-I-C-H-E-T-T-E. Michette, Michette, Michette, Michette. Michette la Fabrice Farah et Milena Marinelli, accompagnés par Louis Dunoyer de Segonzac à la contrebasse, Marianne DeVos au violon et au piano, Thierry Boulanger dans cet extrait des Fiancés de Loche. Alors il y avait des mots en pagaille, je crois, que vous avez conservé dans la pièce de Georges Feydeau et Hervé de Volder, notamment à un moment où je crois un des personnages confond quelques mots. Je vous laisse les découvrir. En gros, nous sommes au deuxième acte, au second acte. Le docteur Saint-Galmier, qui prépare son mariage, confond l'employé de l'hôpital pour un serveur. Vous allez faire le service. C'est à midi. À midi ? Samedi ? Comment ça, samedi ? Je dis pas samedi, mais je dis midi. À jeudi midi ? Moi, j'avais compris. Aujourd'hui midi. Mais si c'est jeudi, samedi aussi. Mais non, sapristi, je dis pas jeudi, pas plus que samedi, je dis aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas jeudi, on est mercredi. Mais je le sais, pardi, c'est pourquoi jeudi, ça n'est pas jeudi. Alors si jeudi, ça n'est pas jeudi, qu'est-ce que c'est que jeudi? Mais non, d'un radis, je dis pas que jeudi, ça n'est pas jeudi, je dis aujourd'hui et je dis midi. Ça y est, j'ai compris, aujourd'hui midi et jeudi aussi. Mais non, pas jeudi, je dis pas jeudi, je dis je vous dis que jeudi, je sais plus ce que je dis, non je dis midi aujourd'hui, est-ce que c'est compris? Mais oui, c'est permis de changer d'avis, moi vous m'avez dit jeudi à midi, puis vous m'avez dit aujourd'hui midi, il ne sera pas dit que je vous contredis, si c'est aujourd'hui, moi je dis samedi. Mais non, pas samedi, aujourd'hui midi! Mais c'est ce que je dis pas samedi, je dis samedi, ou autrement dit, ça me va aussi. Bon alors c'est dit, aujourd'hui midi, c'est dit. Hervé de Volder, en duo avec Patrice Latronche. Ils sont 16 artistes ce matin qui viennent en direct sur France Musique. Et alors, je vais essayer de donner l'actualité de chacun, parce que certains sont venus seulement pour une chanson, mais pour être avec vous, Hervé de Volder, Patrice Latronche, qui sera du 20 au 26 juillet dans le rôle de l'empereur dans l'auberge du Cheval Blanc. C'est au Festival d'Opérette d'Aix-les-Bains. Alors, il y a des plats et des déliés dans cette comédie musicale, et par moments, il y a des moments très tendres, très doux, parce que ces tours en jaune, notamment, elles viennent et elles espèrent vraiment trouver le bel amour. Voici le solo interprété par la sœur des trois personnes qui viennent de Loche. Elle s'appelle Laure Gévaudan. Elle est interprétée par Christine Bonnard, en direct sur France Musique. Mon cœur le sent, c'est l'homme de ma vie. Même s'il se tait, tout me le dit et mon âme le crie. C'est dans l'air un parfum, un mystère, un rien, un frisson. Les oiseaux et les fleurs me l'ont dit, et l'écho à toute heure le redit. Thank you. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Hervé de Volder, est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir un Molière avec cette comédie musicale qui a quand même bien tourné en France, hein, Les fiancés de Loche? Oui, nous avons déjà fait une grande tournée. Et puis alors, nous lançons un appel à tous les directeurs de théâtre parisiens dont nous savons qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire dans les mois à venir. Mais s'ils changent d'avis, ils nous appellent, on est prêts. Voilà, mais certains sont déjà au courant, bien sûr. Donc on prévoit de rejouer ce spectacle bientôt à Paris et de refaire une tournée. On a déjà fait une très grosse tournée de 3 mois à la fin 2015. Et on repart quand vous voulez. Ça veut dire qu'après un Molière, on ne vous appelle pas directement? Vous si, on faire nous appelle directement. Ah bon? Oui, tu ne vas pas lire ma pièce. Voilà. Hervé, c'est rare, vous avez été nommé 2 fois dans cette catégorie. Oui, j'étais en compétition contre moi-même, si je puis dire. L'autre comédie musicale, je l'ai vue, alors ça n'a rien à voir, parce que c'est une comédie musicale qui est à une personne, à un piano, qui s'est jouée dans un théâtre que connaît bien Eugène Ionesco, connaissait bien Eugène Ionesco, le théâtre de la Huchette, sur une personnalité des années 30, Kiki de Montparnasse. Vous pouvez nous parler de cette comédie musicale? Le format est tout à fait exceptionnel. Effectivement, une artiste toute seule sur scène, avec un pianiste qui l'accompagne. Et donc le récit de cette figure emblématique des années 20 et de l'école de Paris, qui est Kiki de Montparnasse, donc c'est son récit. Le personnage s'exprime à la première personne et il nous raconte l'histoire de Kiki de Montparnasse. Et comment il est né, ce spectacle? Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est Milena Marinelli, avec qui nous avons coécrit la pièce et qui l'interprète, qui est venu me chercher, qui m'a expliqué son projet, et j'ai levé la main en disant moi, je veux le faire avec toi. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéressait? Déjà, elle m'avait envoyé des MP3 de sa voix, et donc on va l'entendre aujourd'hui, on est d'accord, hein, puisqu'elle est là. Donc vous allez comprendre que quand vous recevez un enregistrement comme ça, vous dites j'ai envie de travailler avec cette voix-là, quoi. En plus, la comédienne est exceptionnelle. Et puis ce qui est exceptionnel, c'est cette nomination au Molière, où elle était toute seule dans ce petit théâtre de la Huchette. En face de grosses machines où il y a 40 personnes sur scène. Alors sur ce spectacle, vous avez fait quoi? Un peu tout. Nous avons coécrit le texte, Milena et moi, et puis moi j'ai commis les chansons, et puis la mise en scène, comme d'habitude, c'est mon vice. Alors on va la découvrir, Milena Marinelli, qui est venue, je vous laisse aller au piano, oui, Hervé de Volder, parce que vous êtes homme à tout faire ce matin. Vous avez chanté à l'instant, et là vous allez être au piano pour accompagner Milena, qui est venue sans sa perruque, je dois dire. Je suis un peu déçu, mais en même temps, vous êtes très bien comme ça, Milena, je dois dire. Mais voilà, vous êtes vraiment l'icône parfaite sur scène, avec votre coiffure à la Louise Brooks et ses cheveux raides très courts. On va écouter plusieurs extraits de cette comédie musicale qui s'appelle Kiki, qu'on va pouvoir voir à Avignon, dans le off, comme on dit, tout le mois de juillet. Une première chanson qui s'intitule Je marche dans Paris, en direct au studio 106 de France Musique. Je marche dans Paris, la Villette à moi. Les grands arbres de nuit m'applaudissent tout bas. À cette heure-là, les kiosques à musique fredonnent. Des souvenirs de bal au cœur qui s'abandonne. Et du bout de mes doigts, moi j'accompagne le refrain en jouant de l'harpe le long des grilles des jardins. Milena Marinelli est sur scène. Kiki de Montparnasse, alors Kiki de Montparnasse, et bien sûr, c'est cette figure Importante dans les années 30, la muse de Man Ray et de tant d'autres peintres comme Chaim Soutim. Et c'est un spectacle, en fait, à la première personne, où le personnage de Kiki, interprété par Milena, raconte son enfance, son arrivée à Paris, c'était une chanson qu'on vient d'entendre, sa rencontre avec les artistes qu'elle inspire et sa rencontre avec d'autres photographes ou peintres. On va entendre d'autres extraits de cette comédie musicale. Le marin, les belles âmes, Noël, Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, Hervé de Volder, homme à tout faire, est au piano, mais a aussi arrangé, spécialement pour l'émission, pour France Musique, ces chansons qui, normalement, au Théâtre de la Ruchette, étaient interprétées uniquement au piano. Il les a arrangées pour contrebasse, violon et piano. Donc, il y a à la contrebasse, toujours, Benoît Dunoyer de Segonzac, au violon, Marianne De Vos, et au piano, Hervé de Volder. Et puis le soir a commencé à tomber. Et puis la neige aussi. Décembre chantait, les flocons volaient, enveloppant Paris dans un nuage blanc. Les vitrines brillaient, les enfants réclamaient, les pralines grillées d'un marchand ambulant. La porte d'un café s'entr'ouvrait, livrait, ses clameurs avinaient ses chants d'accordéon. Les grands-parents pressés s'affairaient à acheter les derniers boudins blancs, les tout derniers marrons. Et la nativité s'obstinait à narguer les soldats déjà nés sacrifiés sur le front. Noël, Noël, Noël sans papa. Noël, Noël, ni pour eux, ni pour moi. Sans leur mari. Noël, Noël pour les mamans qui prient. Noël, Noël, en Noël sans leur fils. Noël, Noël, les parents sont au supplice. Noël, Noël, le bonheur en apparence. Noël, Noël pour épargner les flocons légers qui meurtrissent le nez et tailladent la peau comme des petits coups de couteau. Les anges lurent aux pieds, les souliers troués, le foin qui s'installe jusqu'au profond des eaux. Le manteau empesé de neige pétrifié, sous mes ongles les crocs de l'hiver sanguinaire. Et pour boucles d'oreilles, des tessons de bouteilles qui meurtrissent sans répit mes esgourdes au calvaire. Plus aucun dos ne bouge et mes mains sont si rouges comme le sang des soldats qui coulent là-bas. Noël, Noël, Noël sans maison. Noël, Noël, Noël sans personne. Noël, Noël, là mon cœur déraisonne. Noël, Noël, Noël sans manger. Noël, Noël, mais qu'est-ce que j'ai donc fait. Des individus très variés, des léthargiques et des qui courent, des qui font le tour du monde à pied. Il y a ceux qui rêvent de gloire, ceux qui vivent recachés, ceux qui triment pour des pourboires, ceux qui sont riches sans travailler, ceux qui grimpent en haut de l'échelle, ceux qui cultivent fait le terreau, ceux qui font chauffer les gamelles dans l'air enfumé des fourneaux. Puis il y a dans la foule immense, soudain quelqu'un qui vous ouvre sa main. Morceaux de pain, lumineuses les belles âmes, bras ouverts le long du chemin, crépitantes comme des flammes d'une cheminée d'auberge quand on a froid et faim. Les belles âmes. Milena Marinelli, qui sera au Théâtre du Rouge-Gorge dans le off du Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet avec cette comédie musicale pour une seule femme, Kiki, le Montparnasse des années folles. Alors là, on n'entend pas dans les interprétations qu'elle a faites, Milena, qu'elle parle un peu comme qu'elle est très Titi parisien quand elle incarne le personnage sur scène. Oui, comme elle a beaucoup de talent, elle nous saoule pas avec ça, mais elle l'évoque à plusieurs moments, mais pas dans les chansons. Pas dans les chansons, mais chansons. On peut dire qu'elle parle un peu... De temps en temps, ouais. Ça arrive, quoi. Vous écrivez tous les styles de musique, Hervé de Volder. Hein. Là, en l'occurrence, dans les années 30, vous vouliez quel style de musique pour cette comédie musicale? Je voulais cette couleur-là. Je ne sais pas bien l'identifier. J'écoute beaucoup de musique, j'en connais beaucoup. Donc, après, on apprend un petit peu à l'école les harmonies, à quel moment elles arrivent dans l'histoire de la musique, bien sûr. Donc, une petite connaissance. Mais non, je ne sais pas, c'est une façon de se mettre dans un bain. Tout à l'heure, vous aurez des choses tout à fait différentes. Mais là, en l'occurrence... Je sais pas, c'était à lire, parce qu'évidemment, on n'écrit pas un spectacle comme ça sans se documenter beaucoup, mais on y est beaucoup, on écoute des chansons de l'époque, on écoute de la musique de l'époque, et du coup, on est dans l'ambiance qui est très différente des Fiancés de Loche, où c'est plutôt 1890, quoi. Donc c'est toujours le même piano, les mêmes instruments, mais on joue pas tout à fait les mêmes notes. Puis voilà. Je vous présente comment Hervé de Volder. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas, je tourne autour. Vous êtes quoi ? Quel est votre métier ? Comédien, parolier, compositeur, metteur en scène, dépend. Réalisateur ? Ça dépend. Par exemple, chanteur. Ça dépend à qui on s'adresse. Ah, alors les auditeurs. Il y a des de endroits, Musique. Par exemple, si on veut demander un prêt, par exemple, on dit je suis comédien. Compositeur, ça passe déjà mieux. Après, scénariste de télévision, alors là, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, dans certaines soirées, il vaut mieux être chanteur. Enfin, ça dépend. Voilà. Mais en fait, c'est toutes les facettes d'un même métier. Voilà. Votre formation, c'est quoi alors, peut-être ? Bon élève. En tout ? Non, c'est vrai. Les artistes disent toujours, j'étais près du radiateur, je foutais rien, etc. Moi, j'étais vraiment un petit premier, avec un an d'avance. Tout petit et le premier de la classe. Paul Fayot, mais le premier de la classe. Et conservatoire aussi. Quand et même. Conservatoire. Musique, hein. Et je me souviens qu'à l'école, je soufflais des vannes au cancre de la classe. Je disais, tiens, tu pourrais dire ça, tu pourrais faire ça. J'écrivais sans le savoir, j'écrivais les vannes. Alors oui, ils étaient très punis, mais enfin, ils étaient contents parce qu'ils avaient triomphé en attendant. Et voilà. Et donc, bon élève. Après, j'ai fait conservatoire de musique, d'art dramatique, etc. Quoi. Mais on peut dire que votre première comédie musicale, c'est un peu par hasard, c'est par chance. Enfin, oui, c'est chance. Alors, vous aviez absolument pas prévu d'abord de faire une comédie musicale et en plus que ça soit un succès comme ça qui se représente pendant qui ait plus de 1000 représentations. Ah oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment un vrai rêve. Mais je crois que j'ai été un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, je me suis mis à composer de la musique sans savoir que j'étais compositeur. C'est-à-dire que j'ai monté des pièces de Labiche, ouais, dans lesquelles il y a des couplets chantés. Donc, dans le texte des pièces telles qu'on l'a aujourd'hui, il y a les vers, mais il n'y a pas la musique. Et c'était des parodies d'air de l'époque, donc ça ne sert à rien de les faire aujourd'hui. Et moi, je me suis appliqué à amener un genre de musique qui correspondait à ça. C'est-à-dire, un type avait perdu ses clés, on en faisait un grand air wagnérien, parce que c'est beaucoup plus drôle que ce soit un grand drame. Voilà. Et puis je me suis aperçu en jouant ces pièces que les moments où on chantait, le spectacle était d'une efficacité tellement grande, je me suis dit mais il faut chanter tout le temps, et c'est comme ça que j'ai commis chance. Mais sans connaître les règles de construction de comédie musicale, d'ailleurs il y a des erreurs de construction colossales, mais qui se voient pas, c'est pas grave. Genre quoi, par exemple, on commence toujours par un gros tableau avec toute la troupe. Toutes les comédies musicales commencent par un grand tableau avec toute la troupe, et là ça commence par deux qui cherchent une clé USB, quoi. C'est... Voilà, mais une disquette à l'époque. C'était une disquette, on a changé, voilà. Et puis pourquoi pas après tout. Voilà. Alors on va découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Chance, c'est oui. Ah c'est bon ça. Yeah. C'est presque la vie au bureau. Je vous laisse aller au piano, hein, Hervé, hein, parce que vous êtes homme à tout faire dans cette émission. On est dans un cabinet d'avocats. Il y a le patron avocat, baryton basse. Il y a une secrétaire un peu baisse-beige, si je peux me permettre. Elle s'appelle Agnès, amoureuse en secrète de cet avocat. Il y a une secrétaire bilingue et jazzy, Étienne, un jeune avocat ténor d'opérette. Ils sont rejoints par, évidemment, une stagiaire, un coursier un peu sex-symbole. On rencontre d'abord les deux secrétaires, à commencer par celle qui arrive en retard. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Depuis 2 heures que je suis partie de la maison, 2 heures bloquées dans la fumée de l'échappement des camions. Tout d'abord la voiture, je la sors du garage, j'arrive sur le boulevard, bouché à perte de vue, direction le périph, encore pire demi-tour, j'irai plus vite à pied. J'abandonne la voiture. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Depuis 2 heures, je suis partie de la maison. 2 heures bloquées dans la fumée de l'échappement des camions. Le métro, les travaux, Navigo périmé, la queue pour un billet, l'autobus arrêté, des taxis, pas un seul, caniveau rempli d'eau, mes souliers trop serrés, qui m'empêchent de marcher. Pour une belle journée de bureau, il faut tout d'abord se lever bientôt, sauter dans son voiture ou la métro. On retrouve ses collègues aussi faut. Tous les jours, c'est la même turbine. De faire prendre aux musiciens. One, two, one, two, three, four. Pour accélérer le bio bureau. Il suffit de faire swing à la tempo. Les journées viennent en accéléré. Le bateau. Ils seront tous les trois à Avignon durant l'été et ils ont joué, ils font partie des 60 acteurs qui ont joué dans cette comédie musicale signée Hervé de Volder en 2001. Chance, Julie Victor qui sera notamment dans un spectacle en solo. Julie Victor fait ce qu'elle veut à partir du 7 juillet au Palace, c'est au Festival d'Avignon, et puis qui sera aussi à l'affiche d'un film qui sort le 6 juillet, une comédie musicale qui s'intitule « Sur quel pied danser ?». Il y avait Cathy Arondel dans le rôle de la chanteuse jazzy qui sera à Avignon avec une autre comédie musicale pendant l'été qui s'intitule « Fausse moustache » et qu'on verra à la rentrée dans Oliver Twist, et puis Hervé Lewandowski qui lui aussi sera dans Oliver Twist à la rentrée et qui sera aussi à Avignon dans une comédie musicale inspirée d'Alice au Pays des Merveilles. Et alors on les retrouve employés de bureau, et vous savez ce qui arrive au bureau très couramment, il y a parfois des accidents du travail. Aïe, je me suis cassé un ongle. Aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, oui, vraiment mal, oh aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Cassé un ongle, accident du travail, une fracture de l'ongle, ça fait mal, aïe aïe aïe. Il s'est cassé un ongle. respecter l'hygiène élémentaire. Tu creuses avec tes ongles la troue de la sécu. Les doigts manucurés, seuls sont réglementaires. Et non pas ces ergots tout rongés et fendus. Article 9 du Code du Travail, loi du 4 juillet 1880. Il faut limer ses ongles avec application, pour soi et pour les autres. Les arrondir avec d'infinies précautions, pour éradiquer les dangers. Oui, j'ai enfreint la loi, oui, je plaide coupable, et la douleur me donne un pénible remords. Je ne souhaite à personne ce mal épouvantable, aggravé du cruel sentiment d'avoir tort. Il faut avoir des ongles toujours impeccables si l'on ne veut pas un jour risquer de les déchirer sur un coin de table et de se retrouver handicapé. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et au piano, c'était Hervé de Volder, à qui nous donnons carte blanche ce matin sur la 42e rue de France Musique. À la guitare, Jean-Pierre Bechard, et à la contrebasse, Benoît Dunoyer de Ségonzac. Hervé de Volder, vous avez écrit combien de comédies musicales, en fait? Bon, je sais pas, il y a des bouts aussi. si on compte les bouts. Officiellement 4, 5, 6. Qu'est-ce que vous appelez des bouts? Bah, parce qu'il y en a qui sont inachevés, ou il y a des bouts de comédies musicales dans d'autres spectacles. Je me suis jamais posé la question, c'est pour ça que je fais cette réponse un peu... En botte et en touche. Inachevé, c'est-à-dire inachevé, l'inspiration part en plein milieu ou... Oui, donc ils sont en chantier, voilà, d'accord. Voilà. Il y avait Le Cabriolet aussi, qui était une comédie musicale à deux personnages que nous avons joué en 2012 à la Comédie Bastille aussi, mm-hmm. Voilà. Co-écrite avec Camille Saferis. Et puis, une super production qui a eu lieu en 2007, quelques représentations au Casino de Paris. Oui. Babel, alors là, je dis une super production parce que pour le coup, là, on est très très loin de Kiki avec une héroïne et un piano. Qu'est-ce que c'était, Babel? Babel, c'est une grosse fresque historique, si je puis dire, et pas très sérieuse non plus, où j'avais eu un peu la folie de vouloir réunir tous mes potes sur la scène. Donc il y a 16 rôles, 17 rôles, un orchestre, etc. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de la tour de Babel, quoi. En fait, c'est la vie, c'est l'humanité... On y va, on fait un exposé, c'est parti. Allez-y. L'humanité moderne, elle commence 2000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est Babylone, toute la culture des Assyriens, etc. Et c'est là que naissent les premières lois, les premières tablettes avec des lois. C'est là qu'on commence à utiliser la roue. Enfin, c'est vraiment le début de l'humanité. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de fresque de gens qui vivent là, qui ont beaucoup d'apparentement avec notre vie d'aujourd'hui. Et puis, il y a un petit bonhomme qui est fou, qui tombe tellement amoureux d'une femme, comme ça peut arriver, que du coup, il l'épouse. Et il veut tellement la couvrir de cadeaux qu'en fait, il va passer sa vie à aller lui chercher des cadeaux et être plus avec elle, finalement. Et donc, il y a Dieu, qui est un personnage qui est incarné. C'est Julie Victor, d'ailleurs, qui jouait le rôle quand on l'a joué quelquefois. Un personnage qui est Dieu, qui vient sur Terre et qui s'aperçoit que sa machine... Alors, vous allez voir comme c'est d'actualité. Sa machine humaine, elle n'est pas encore tout à fait au point. Elle déconne encore un peu. Il y a encore des améliorations à faire. Donc, tout le monde est un peu cinglé. Tout le monde a un petit peu ses travers. Voilà. Et donc, la folie de ce personnage qui est Nemrod, ce personnage central, c'est de construire une tour de Babel. Pour aller chercher la lune, pour offrir à celle qu'il aime. Bon, c'est complètement féerique, mais c'est source à bien se marrer aussi, quand même, bien Alors, sûr. En quelques mots, par exemple, une chanson qu'on va nous interpréter, donc Dieu, Julie Victor, Mea culpa. Il s'agit de quoi? Situer l'action. Alors, ça, c'est un moment où la jeune épouse, qui vraiment, ces deux-là, ils vivent un amour comme on en vit que dans les poésies, elle a préparé un petit dîner pour deux, parce qu'elle attend son mari, sauf que lui, il est parti lui chercher un cadeau, c'est abruti, et il rentre pas, il travaille sur le chantier, il veut gagner des sous pour la couvrir de bonheur. Et donc, il y a Dieu qui arrive sur le toit de la petite maison, elle a préparé un petit dîner en terrasse, et puis il y a Dieu qui chante cette chanson à cette jeune femme qui est malheureuse parce que son mari n'est pas revenu. Hervé de Volder, je vous laisse vous précipiter au piano qui est exactement de l'autre côté du studio 106. Mais ça y est, vous y êtes. Vous êtes accompagné à la contrebasse par Benoît Dunoyer de Ségonzac et à la guitare par Jean-Pierre Bechard. Et c'est donc Julie Victor qui interprète Mea culpa en direct sur France Musique. Tu n'as pas demandé la vie qui t'a été donnée, avec ses chances et ses souffrances, son miel et ses silences. Tu n'as pas demandé à vivre et pas même à aimer. Dans la cruelle effervescence de mon inexpérience. Mais à culpa si ta vie n'est pas un ruban de velours. Mais à culpa si ta vie n'est pas un présent chaque jour. Mais à culpa. À chacun, je ne donne qu'une seule vie pour la vie. Et que les hommes me pardonnent quand ils sont mal servis. Apprenti sorcier dans mon laboratoire immense, je flambe des vies par milliers pour pratiquer mes expériences. Mais à culpa si ta vie n'est pas un ruban de velours. Mais à culpa si ta vie n'est pas un présent chaque jour. Mais à culpa. Et la vie continue coûte que coûte, vaille que vaille, et un bébé naîtra sans doute un jour de tes entrailles. Cet enfant, nous allons le faire s'élever tous les deux, l'aimer et le rendre plus fort si tu le veux. Ah, tu dors? Julie Victor, mea culpa, un extrait d'une comédie musicale, on va dire inédite, de Hervé de Volder. J'espère que ce Molière vous permettra de produire à nouveau ce spectacle. On va écouter un deuxième extrait. Alors cette fois, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre entre eh bien, un homme et une femme, interprété par Hervé de Volder. Et Rachel Pignot, qui prépare un nouveau spectacle, ou plutôt qui reprendra son spectacle Naturellement Belle, à partir de la rentrée du 10 septembre au studio Hébertou. Coup de foudre. Hervé de Volder, Rachel Pignot. J'ai plongé dans ses yeux. Est-ce que c'est dangereux, docteur? Sans prêter attention et sans prendre la moindre précaution, j'ai perdu le contrôle de la situation. Y a-t-il un danger de contagion? Ce n'est pas dangereux, vous êtes amoureux, monsieur. La contamination peut survenir à la moindre occasion. Pour asservir l'amour à la raison. Chaque parcelle d'elle m'intéresse. Ses yeux, ses mains, et pas seulement ses fesses. Plus rien d'autre n'existe pour moi. Je suis amoureux, est-ce que c'est dangereux, docteur? Sans prêter attention et sans prendre la moindre précaution, j'ai perdu le contrôle de la je plonge à corps perdu dans la passion. Un extrait de Babel, cette comédie musicale autour de la Tour de Babel, créée par Hervé de Volder au Casino de Paris, c'était en 2007. On se quitte peut-être avec la chanson la plus connue que Hervé de Volder ait composée, en tout cas beaucoup d'artistes l'ont chantée. On retourne dans Chance, cette comédie musicale qui se déroule dans un cabinet d'avocats. En gros, l'intrigue, c'est que soudain, il y en a un qui décide de jouer au loto et tout le monde, évidemment, se met à rêver au gros lot. D'où une chanson intitulée 99 millions d'euros. Un grand merci à Hervé de Volder. Venez Hervé, on va remercier aussi les 20 artistes que vous avez fait venir ce matin. Katia Arondel, Laurent Bann, Jean-Pierre Bechard, Adrien Biri-Vicente, Christine Bonnard, Thierry Boulanger, Marianne DeVos, Benoît Dunoyer de Segonzac, Fabrice Farah, Clara S, Patrice Latronche, Hervé Lewandowski, Milena Marinelli, Rachel Pignot, Julie Victor, Claudine Vincent, Franck Vincent. On vous souhaite un bon Festival d'Avignon, du coup. Merci. Et merci pour cet accueil. Oh, ça a duré 5 minutes, ce concert. On voudrait recommencer. Sur France Musique. Et en plus, ça a été filmé. Donc, les auditeurs pourront regarder sur francemusique.fr pour voir la vidéo de l'émission. On pourra également, sur francemusique.fr, retrouver le podcast, la programmation musicale, et puis l'actualité de vous, les artistes présents. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. 42e rue, c'est toute une équipe. Bruno Mourlan, Adrien Rock, Xavier Lévesque, Philippe Thibault, Charles Barjou, Perrine Mingui, Martine Moni, Laurent Vallière. On vous souhaite une très bonne journée sur France Musique.